Chapitre 23. Noyé. Tout ce que pouvait faire Monsieur de Raguenel, c'était d'exiger montre de l'ordre du gouverneur. Il dit encore, pourtant, même après avoir pris connaissance de l'ordre, « Monsieur, vous portez l'uniforme de la maison de Monseigneur et je ne vous connais pas. » Saint-Pierre exhiba aussitôt sa commission, datée du jour même. « Je fus du temps avant de trouver ma voix au fond de ma poitrine. »« C'est un misérable !» m'écriai-je enfin. « Raguenel, au secours, nous mourons !» Pour la troisième fois, Bertrand de Saint-Pierre répéta. « Fermez la grille au nom du roi !» Raguenel, au cri poussé par moi, avait engagé son cheval entre les deux battants qui déjà roulaient sur leurs gonds. La présence seule des bandits, ameutés et complices, peut expliquer la facilité avec laquelle quelques soldats, agissant à contre-cœur, purent exécuter un ordre semblable. La foule, rien qu'en suivant son impulsion, aurait dû broyer toute résistance. Mais la foule renfermait un élément qui n'était pas elle-même et qui la dominait. Nous éprouvâmes un violent mouvement de recul. Je sentis la lame d'un couteau pénétrer sous mon aisselle et il me fut impossible de me retourner, tant la nouvelle presse opérée derrière nous était furieuse. Je criai « À moi, Raguenel, cet homme est Bertrand de Saint-Pierre, je suis blessé !» Et mademoiselle de Boileroy ajouta d'une voix brisée « Ils ont tué Gaston d'un coup de poignard, je ne peux plus le soutenir !» Dieu merci, Hermine se trompait, je tenais ferme encore. Raguenel se dressa sur ses étriers, je le verrai ainsi jusqu'au dernier jour de ma vie. Saisissant à deux mains la grille presque fermée, il la rouvrit de son seul effort. Son cheval bondit, son épée brilla. Bertrand voulut opposer le fer, mais il tomba la tête fracassée par un fendant après avoir reçu une estocade en pleine poitrine. Cela fait, Raguenel jeta son épée, sauta en bas de son cheval et repassa la grille en criant « Où êtes-vous, monsieur de Kéramour? Où est-elle ?» La grille se referma bruyamment derrière lui et chacun put voir qu'aucun soldat n'y mit la main, sauf deux qui étaient comme nous en dedans de la place, des voleurs déguisés en soldats. J'ai été obligé de raconter ceci d'un temps, mais il s'était passé autre chose. Nous avions d'autres amis dans la foule. Au moment où mademoiselle de Boileroy avait prononcé mon nom, deux voix de femmes s'étaient élevées non loin de nous, dans les ténèbres qui nous enveloppaient. La première avait dit « Gaston, mon Gaston, est-ce toi ?» La seconde, qui venait du côté du jardin « Courage, chevalier !» Et du côté opposé, presque en même temps, mon ancien page « Ventre bleu, je ne veux point de mal à personne, mais celui qu'a tapé monsieur le chevalier ne fera point de vieux os dans sa peau. Je ne mens pas. J'osons, mon gars !» lui répondit-on au plus fort de la presse. « Viens ici tout de suite. Tu me connais bien, je suis monsieur Merlin de Tréguéhenneuc, monsieur le marquis. Joson, mon ami, si tu me tires de là, tu auras des rentes gros comme toi. »« À Gaston, Joson !» ordonna Vivette. « Et sauve celle qu'il aime !» Ah, je l'avais bien reconnue. La voix de Catiche n'avait plus parlé, celle qui avait dit « Courage, chevalier !» Hermine faiblit dans mes bras. La force humaine a des bornes. L'agitation organisée dans la bande de vie de Gousset, qui travaillait désormais à découvert, augmenta de violence par le fait des efforts que tentaient en sens contraire, pour se rapprocher de nous, ces deux hommes athlétiques, Olivier de Raguenel et Joson Menou. Nous étions entraînés vers le coin de la grille, à droite, sous l'angle de la terrasse. Ce n'était pas une issue qu'il y avait là, c'était un sépulcre, le fossé du bord de l'eau que les victimes déjà tombées commençaient à combler et d'où s'échappait un navrant concert. Entre le fossé et la grille, il y avait à peu près la place d'une créature humaine. Ce ne fut pas mon choix qui me porta en ce lieu, car les ténèbres étaient complètes. Je ne vis le précipice ouvert à droite de moi qu'au moment où le dernier malheureux qui m'en séparait y tomba. Je me trouvais, avec Hermine, dans l'angle étroit compris entre le fossé, la terrasse et la grille. Mon suprême effort réussit à placer mademoiselle de Boileroy devant moi, et je marque-boutais une main au mur, l'autre à la grille, de manière à lui garder une pauvre petite place, où elle s'affaissa aussitôt la tête entre deux barreaux et buvant l'air du jardin avec avidité. Ce que faisait M. de Raguenel pendant cela, je ne puis le dire, car Dieu ne lui laissa point le temps de le raconter. Mais il allait avoir une de ces morts qui éclaire toute une vie, et vous devinez bien comme moi les miracles de vaillance que dut accomplir ce bras chevaleresque pour ouvrir sa route jusqu'à nous. Ne vous y trompez pas, il y avait à combattre. Autour de nous, les loups étaient plus nombreux que les moutons. Ils nous suivaient depuis le couvent des Feuillantines, les loups. Au milieu de tout ce pillage homicide, Mademoiselle de Bois-le-Roi était la grosse proie que l'état-major du capitaine Vide Gousset n'avait pas un instant perdu de vue. Au moment où la bonne voix de Raguenel crie enfin « Courage !» à quelques pouces de mon oreille, je n'en avais pas pour une minute à rester debout. Le désespoir me prenait, et ce qui portait mon angoisse au comble, c'était l'idée qu'en tombant, j'allais écraser Hermine. Elle avait fermé les yeux à demi. Sa bouche charmante restait entr'ouverte pour recevoir l'air du dehors qui ne venait déjà plus si abondant, car les soldats inutiles s'étaient rangés devant le corps de garde et la cohue du jardin, un instant refoulée, revenait. Ne me demandez pas pourquoi elle revenait. Il y avait là le plus atroce spectacle gratis qui eût pu jamais enfiévrer la curiosité gourmande de Paris. Une immense agonie qu'on ne voyait pas, il est vrai, mais qui se racontait elle-même par son grand murmure, fait de hoquets mortels et de suprêmes imprécations. « Donnez-moi votre place, » me dit Olivier, « et reposez-vous. » Sans répondre, car je n'en avais pas la force, je laissais fléchir mes genoux en ayant soin de prendre à deux mains les barreaux pour ne point peser sur Hermine. Il ne se fit aucun choc. Une autre voûte, bien autrement robuste, remplaçait l'abri que j'avais formé. Raguenel, à son tour, s'était arc-bouté. Il était de fer, celui-là. J'aurais donné la moitié du sang qui me restait pour m'étendre et haleter à mon aise. Je ne peux dire à quel point de faiblesse j'étais rendu par mes blessures et l'épuisant excès de mon travail. Mais il ne m'était pas permis de détendre mes muscles sous peine d'opprimer le beau corps d'Hermine. Mon visage était à quelques pouces du sien. Un reflet de torche glissait sur l'adorable résignation de son sourire, car elle souriait en me regardant, et dans son regard il y avait d'inexprimable tendresse. « Comme vous voilà pâle, Gaston !» me dit-elle, et sa voix n'était plus qu'un souffle. « Je vous en prie, reposez-vous sur moi, vous ne me ferez pas mal. » Il y eut dans la masse une convulsion que je ressentis au travers du corps de Raguenel. « Ventre bleu, me v'là !» dit derrière nous Joson. « Un peu de place, les amis. Je n'avais point jamais vu de feu d'artifice, mais c'est assez d'une fois, sûr et vrai, je ne mens pas. »« Garçon, » dit Raguenel, « es-tu capable de passer par-dessus la grille en montant sur moi ?»« Ah, dame, oui, dame !» répliqua Joson. « Mais il y a des gens bêtes, ici, des couteaux. » Et j'ai déjà crabouillé plus d'un écorpion qui piquait. Où donc est monsieur le chevalier ? Obéis à monsieur de Raguenel, dis-je. Ça suffit. Joson était déjà sur le dos du capitaine qui lui dit « Tu iras toujours courant jusqu'au château, chercher l'ordre d'ouvrir. » Ceci fut entendu du dehors et un soldat répondit « On y est déjà, c'est la clé qui manque, la clé a été volée. » « Faites sauter la serrure si vous êtes des hommes !» cria Olivier de Raguenel. « Je suis blessé !» Joson, qui était à moitié chemin du sommet, redescendit et son talon fracassa un crâne. « C'est cet écorpion-là » dit-il. « Je l'ai fané !»« Va toujours, va !» ordonna Olivier, dont la voix était changée. « Et ne t'arrête pas, je n'ai plus le temps d'attendre !» Des gouttes de sang chaud me tombèrent sur la nuque. « Pouvez-vous vous relever, chevalier ?» me demanda-t-il doucement. J'essayais. Hermine rendit une plainte. J'étais engagé si malheureusement entre elle et Olivier que mon moindre mouvement la torturait. « Redressez-vous, dis-je. Défendez-vous, je vais la protéger. » Il me répondit. « Je ne peux plus. Ils sont sur moi 10. 20, tous. Et c'était vrai, l'exemple de Joson avait été suivi. La foule, voyant une issue possible, grimpait sur cette manière de tas immobile que nous formions à nous trois. C'était une échelle, nous n'étions plus seulement entourés, nous étions noyés sous la presse. Ragnell supportait seul ce poids énorme, son sang m'inondait, mais il résistait toujours. « V'là ce que c'est !» dit Joson en sautant tout auprès de moi sur le sol du jardin de l'autre côté de la grille. Et presque aussitôt après, « Pas besoin d'aller chez le roi, les voilà qui viennent !» Je ne pouvais pas voir, courbé que j'étais et masqué par les curieux du jardin. Mais j'entendis un grand bruit et la lueur des torches rougit le sable entre les jambes des cruels badauds qui nous regardaient mourir. On les écarta, on les balaya plutôt, le vide se fit. La première figure que j'aperçus fut celle de Catiche, précédant Monsieur de Sartine et tout un bataillon de gens du roi. C'était le salut. À ce moment, un râle sortit de la poitrine d'Olivier. Il craqua, je le dis comme cela fut, sous la montagne humaine qui l'écrasait. « Sauvez mademoiselle de Bois-le-Roi » cria-t-il en nous ensevelissant sous sa chute. Faut-il dire l'effort désespéré que je fis pour obéir à son dernier ordre et résister à ce vivant éboulement d'où sortaient des malédictions et des blasphèmes? Ma poitrine heurta celle d'Hermine, qui rendit un son navrant. Je vis ses yeux se fermer, car nos têtes étaient libres. C'était moi qui la tuais en mourant. « Adieu, Gaston !» me dit-elle, et c'était comme si sa chère voix venait déjà de haut et de loin. Je fermai les yeux. Je sentis sur mes lèvres un souffle et un feu, quelque chose de doux et de terrible. Elle me donnait son premier baiser dans son dernier soupir.